Je tourne à droite. Je peux dépasser ce cycliste par la droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.